Invisible committee in my head. Interstellar. Intercontinental committee. Thank you. able create capable de rencontrer un troisième type

le noir. Where do you come from? Vers l'espace, le temps, les coutumes, la poésie. Jamaica woman. Mélange des genres dans une massive attaque dans ma tête. Façon blanche de consistance de la civilisation. And my head. Automatic System. Retrouver de là d'où l'on vient. Peut-être savoir où nous allons aller. Du moins, moi, essayer de savoir d'où je viens. Essayer savoir je veux aller simple, pas trop organisé, justement, sensible, fragile, parce que sensible, fort, parce que sensible, face au triomphe de la civilisation. Opposé, souterrain, invisible committee, sûrement pas suffisamment complète. Une reprise hyper connue. Thank you. plongé dans la peur de la guerre. Chaude ou froide. Plutôt froide, larvée. Thank you. Commencement. Thank you. Sans...